C'est Rémi, ça vient d'Aubert, mon frère. Rémi, c'est un jeune d'Aubervilliers. C'est un petit que j'ai souvent vu dans son quartier faire des freestyles. Il s'avère que j'avais eu des petits problèmes de famille qui a fait qu'on n'a pas pu travailler directement ensemble, mais il m'a attendu. C'est quelqu'un vraiment qui me fait penser à nous, à l'époque de Tandem. Où lorsque nous on est arrivé, on était très jeunes avec une grosse maturité lyricale. Et dans l'ère d'aujourd'hui, où un peu les jeunes de sa génération sont un peu plus légers dans les paroles, il arrive avec quelque chose vraiment de lourd. Et c'est pour ça que je me suis mis derrière lui pour essayer de l'amener au plus haut. On a fait pas mal de bons titres. De ces titres-là, j'ai sorti un titre, je l'ai mis dans Banger 3, qu'il se fasse remarquer. J'ai pris un morceau mélancolique, parce que c'est quelque chose qu'il sait très bien faire. J'ai vu lui sur sa planète. J'ai vu lui sur son bateau, j'ai vu lui dans son train de vie, payé à l'angle de sa peau. Pas un E pour une canette, pas un heureux dans le ghetto. Tu sais qu'un petit que t'as vu naître peut se réveiller dans la peau. J'ai vu lui sur sa planète, j'ai vu lui sur son bateau, j'ai vu lui dans son train de vie, payé à l'angle de sa peau. Pas un E pour une canette, pas un heureux dans le ghetto. J'ai vu lui sur sa planète, j'ai vu lui sur son bateau. Hormis le fait qu'il soit talentueux, il est intelligent. Il a déjà une vision, il connaît ses carences, il est à l'écoute, il connaît ses qualités. Donc lorsque tu connais tes qualités et tes carences, tu avances encore plus vite. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, Rémi est signé chez Def Jam. On essaie d'unir nos forces sur un artiste comme Rémi et j'espère qu'on va faire quelque chose de grand. J'ai vu des gens pareils, des gens se battent pour la différence. Je vois des gens qui votent FN, j'en vois qui veulent se barrer de la France. Ici c'est la merde, partout c'est la même, dans ce pays rien à gratter. REMY d'Aubervilliers, je viens refaire du rap français. J'ai vu lui sur sa planète, j'ai vu lui sur son bateau, j'ai vu lui dans son train de vie, payé à l'angle de sa peau. Pas un E pour une canette, pas un heureux dans le ghetto. Tu sais qu'un petit que t'as vu naître peut se réveiller dans la peau. Je pense qu'il peut rassembler toutes les générations, ce jeune Rémi là. Hein, je suis content d'être dans cette aventure et vous allez comprendre pourquoi je me suis mis derrière Rémi très très vite. Parce que je me mets pas derrière n'importe qui pour me blesser. Ça vient d'Aubert. Qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher? Il y a tout chez nous. On est fiers de venir d'Aubervilliers. Là, c'est un artiste qui vient d'Aubervilliers, qui a du talent et qui va marquer, je pense, sa génération.